Chapitre 6e. Nouveau départ, nouvel arrêt. Sans patience, regarda l'océan, dont il pouvait toucher la surface en étendant le bras. Regarda la vaste nuée de ouate blanche dans laquelle il se trouvait, puis regarda son ami. « Ma foi, finit-il par dire, pour moi ce que nous avons à faire est très simple. C'est la neige qui nous immobilise en alourdissant nos ailes, débarrassons nos ailes et nous pourrons repartir. Et comment comptez-vous débarrasser nos ailes de leur blanc fardeau, comme dirait un poète? En montant dessus, parbleu! Ça n'ira évidemment pas tout seul, mais c'est faisable. Combien pesez-vous, mon cher? Demanda l'ingénieur en allumant flegmatiquement un cigare. Combien je mets dans les 80 kilos, je crois? Répondit sans patience, un peu interloqué. Bon. Vous allez donc monter sur cette surface convexe et métallique, et partant fort glissante, ne l'oubliez pas. En admettant que vous puissiez vous maintenir là-dessus, cela ira bien tant que vous resterez à proximité de la naissance des ailes. Mais au fur et à mesure que vous progresserez vers l'extrémité, vous déplacerez le centre de gravité du système, essentiellement instable, comme vous savez. Lorsque vous serez au bout, calculez l'effet que peut produire le déplacement d'un poids de 80 kg le long d'un bras de levier de 8 mètres, longueur d'une de nos ailes. Cela se traduit par une inclinaison respectable qui aura pour résultat obligatoire de vous faire prendre un bain froid. Mais vous oubliez que mon poids sera compensé par le poids de la neige que j'aurai enlevé. L'ingénieur se frappa le front. Vous m'y faites penser. A priori, une couche de neige d'une épaisseur moyenne de 0,10 m à 0,15 m sur un peu plus de 36 mètres carrés, surface d'une de nos ailes, doit bien donner comme poids dans les 200 kg. Quand donc vous aurez débarrassé une aile, il restera dessus votre propre poids, soit 80 kg. Tandis que le poids de l'autre aile, toujours encombré de neige, sera de 200 kg. D'où rupture d'équilibre non moins inévitable. Seulement, l'inclinaison se produira dans le sens opposé et vous tomberez de plus haut, voilà tout. Diable ! Fit sans patience en se grattant le nez. Ce qui était chez lui l'indice d'une perplexité profonde. La neige tombait toujours et le moteur n'était plus qu'à 0,15 m de l'eau. Tout à coup, le regard du ver du noix s'éclaira. « Alors ? » demanda-t-il avec l'accent satisfait et un tantinet railleur d'un homme qui vient de solutionner un grave problème. « Alors vous, si industrieux et si avisé, vous ne voyez pas la façon dont nous pourrions procéder ?» L'ingénieur dressa l'oreille. « Ma foi, non. Sincèrement, très sincèrement. Eh bien, j'ai trouvé, moi. » Nous allons escalader chacun une aile, et nous progressons ensemble vers une des extrémités. De la sorte, se compenseront en même temps les poids humains et le poids de la neige. Félicitations, mon cher, dit l'ingénieur après avoir réfléchi quelques secondes. Décidément, ajouta-t-il du ton de raillerie à froid qui lui était coutumier, décidément, je crois qu'on finira par faire quelque chose de vous. Sans patience, eut l'idée de se mettre en colère. Mais il réfléchit qu'il y avait autre chose de plus pressant à faire pour l'instant. Et puis cette escalade, si malaisée fût-elle, allait lui permettre de se dégourdir un peu. Le fait d'avoir passé plus de 2 jours assis, n'ayant pour se mouvoir qu'un espace excessivement restreint sur une machine volante, où tout geste un peu brusque est interdit, suffit pour expliquer cette sorte de fringale de mouvement et d'exercice à laquelle était en proie sans patience. Sans plus de paroles, tous deux commencèrent donc leur escalade. Celle-ci, on s'en doute, n'était pas facile. Et puis, l'escalade opérée, il s'agissait de se maintenir sur la surface convexe et unie des ailes, sans une aspérité pour se retenir. Tout cela ne se passa point sans un dangereux roulis, quelques précautions que prirent les deux hommes, chacun de leur côté. Tous deux durent se résoudre à cheminer à plat ventre, au fur et à mesure qu'à défaut de tout autre instrument, leurs mains gantées de gros gants de fourrure déblayaient l'épaisse couche de neige. De plus, il était nécessaire qu'ils s'avertissent pour régler l'un sur l'autre leur progression, afin d'éviter une rupture d'équilibre suivie d'une inclinaison qui aurait pu avoir de graves conséquences. C'était donc une besogne extrêmement dangereuse, sans compter qu'elle était des plus fatigantes. Lorsqu'ils arrivèrent chacun à l'extrémité de leur aile et qu'ils voulurent rétrograder, ils s'aperçurent que la neige qui n'avait pas cessé de tomber couvre déjà d'une couche de 2 ou 3 cm l'espace qu'il venait de déblayer avec tant de peine. « C'est le contraire du tonneau des Danaïdes !» cria sans patience. « La neige de l'Isif !» renchérit l'ingénieur, pour ne pas être en reste de mythologie. Il leur fallut déblayer en revenant cette nouvelle surcharge. Cela leur prit environ une demi-heure, quand, avec l'ensemble qui s'imposait, ils réintégrèrent leur siège sans accident. Il était 3h30. Tous deux étaient rompus de fatigue. Quelques instants de repos leur furent nécessaires, et même, ils sentirent le besoin d'absorber quelques gorgées de vieux rhum qui les réconfortèrent. Il était plus de 4h quand ils se préparèrent au départ. L'ingénieur mit le contact et une fois encore, les aviateurs se sentirent inconsciemment rassurés par le bruit du moteur. Lorsque celui-ci se taisait, en effet, son silence leur faisait éprouver une impression de détresse et d'abandon. L'hélice ébranla, et l'aéroplane commença à courir sur la mer. Il parcourut plus de 100 mètres avant de pouvoir s'envoler. Ce qui contrariait son envolée, c'était non seulement la surcharge de neige nouvellement tombée sur les ailes depuis le déblaiement, mais encore la conséquence de cette surcharge qui, faisant enfoncer les flotteurs plus profondément dans la couche liquide, provoquait une résistance considérable à l'avancement. Enfin, l'appareil finit par décoller, mais l'ingénieur le sentit alourdi et peu maniable. Ce fut avec peine qu'il atteignit un peu d'altitude. « Si la neige continue, dit sans patience, nous n'irons pas loin. »« Oui, répondit l'ingénieur, mais regardez le thermomètre. » « 1 degré au-dessus de zéro !» s'écria sans patience. « C'est-à-dire que d'ici peu, la neige va faire place à la pluie. Ce qui serait très heureux pour nous si avec la pluie ne venait pas le vent d'ouest. Toutefois, pour peu que cela se passe en grain ou sans bourrasque, nous n'aurons pas encore le droit de nous plaindre. » 2 heures se passèrent sans que la neige cessât de tomber. L'appareil s'alourdissait de plus en plus. Puis les flocons se firent plus rares, et en levant le visage, sans patience sentit nettement quelques gouttes d'eau. « Vous êtes prophète, mon cher, » s'écria-t-il, tout de suite rassuré. « C'est la pluie. Nous voilà hors d'affaires. » L'ingénieur ne répondit pas. La nuit tombait. Une demi-heure s'écoula encore. Chose étrange, la neige avait fait place à une petite pluie fine, que le vent qui venait de se lever leur chassait au visage, malgré le pare-brise, et l'appareil semblait toujours s'alourdir. « Pourtant la pluie devrait faire fondre la neige sur nos ailes, » dit sans patience qui ne s'expliquait pas ce phénomène. « Oui, » répondit l'ingénieur, « mais comprenez bien. » « Elle ne la fait pas fondre tout de suite. » Avant de fondre, au contraire, la neige s'imbibe d'eau, ce qui augmente encore la surcharge. Et, soucieux, nous ferions peut-être mieux d'arrêter tout de suite. Regardez, nous nous maintenons avec peine à 50 mètres. L'appareil fatigue considérablement. D'autant plus qu'à présent nous avons le vent debout. Descendons donc, puisque c'est votre avis. Pendant la nuit, la pluie nous aura débarrassés de cette surcharge. L'ingénieur coupa l'allumage et bientôt, pour la 3e fois depuis le départ, l'aéroplane se posa sur la mer, dans laquelle ses flotteurs s'enfonçaient entièrement. « Décidément, » grommela sans patience, « nous avons bien de la peine d'arriver. »